Chapitre 5e. En reprenant ses esprits, Claudine, que nous avons laissée évanouie entre les bras des estafiers, se trouva sur un grand lit orné de rideaux d'une étoffe riche, mais râpée, dans une chambre basse, où le luxe et la malpropreté se disputaient visiblement la place. Des fauteuils de velours montraient en maints endroits leurs entrailles de crin. Sur une console en bois de rose était une caisse contenant un arbuste mort depuis longtemps, et dont les fils d'araignée unissaient ensemble les rameaux gris de poussière. Des ustensiles ébréchés reposaient sur une vieille toilette que surmontait une glace de Venise étoilée et fendue. Sur un guéridon bancal étaient un plat de viande, un pain et des assiettes, la plupart écornées. À côté du lit se tenait assise une grosse femme, dont le nez rouge, les traits durs et le front balafré semblaient en harmonie avec le mobilier. Elle attendait paisiblement qu'il plût à la malade de revenir à la vie. L'aspect de ce visage brutal produisit une impression si pénible sur la pauvre bavelette qu'elle referma les yeux pour se plonger encore dans les ténèbres et l'insensibilité. Cependant, ses souvenirs lui rappelant une scène de violence, elle se souleva sur un coude et demanda où elle était. « Vous êtes en lieu sûr, » dit la vieille à la balafre. « Vous n'y manquerez de rien. J'ai reçu 3 pistoles d'avance. Vous plaît-il manger ou boire? Nous avons du vin clairet. Vous offrez cher lit et dormir à votre aise. On ne vous gênera point, à moins que vous n'ayez fantaisie de sortir. » La balafrée ne comprit pas que sa voix rauque et ses paroles augmentaient l'effroi de la jeune fille au lieu de la rassurer. Elle reprit le tricot qu'elle avait posé sur ses genoux et haussa les épaules d'un air de pitié. Claudine ne répondait que par des larmes. Après un moment de silence, la vieille poursuivit son discours. « Quelle idée avez-vous eue, ma mignonne ? » dit-elle, en repoussant les galanteries de M. Debuc. « Ce gentilhomme n'est-il pas bien fait et de bonne mine ? » Appartient-il à une bavelette, tout jolie qu'est son minois, de faire ainsi la mijaurée lorsqu'elle s'est déjà vendue? C'est une lâche calomnie, s'écria Claudine impétueusement. Allons, reprit la balafrée, laissons les grimaces. Une laitière en pou de soie rose avec collet de dentelle, cela parle clair. Vous avez mérité une leçon, mais vous n'en mourrez point. Montrez-vous humaine, et l'on vous pardonnera le verre en main. Votre amoureux est un cœur d'or. Au milieu de ses pleurs, Claudine écoutait avec attention ses discours, dont chaque mot contenait quelques traits de lumière. Ce monde si poli et si charmant, que son imagination avait embelli à plaisir, elle le voyait enfin tel qu'il était, avec l'apparence des vertus, mais au fond, pervers livré à ses passions. Deux nobles figures surnageaient encore dans ce naufrage, celle du héros de Rocroi et de la princesse inconnue. Claudine baisa le bracelet qu'elle avait à son bras en s'écriant avec transport. « Ah, chère princesse, que ne puis-je vous confier la défense de mon honneur ?» « Vous moquez-vous des gens ? » interrompit la vieille. « Avec votre princesse ?»« Monsieur de Buc m'a raconté cette histoire. L'on vous aura sans doute appelé à quelque partie de plaisir où il manquait une femme. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Claudine. « Ne savez-vous donc pas encore ? » reprit la balafrée. « Chez qui vous êtes allé chercher ces bijoux et ces robes ?»« Chez une princesse appelée Marie. »« Oh, l'excellente affaire !» dit la vieille en éclatant de rire. « On se serait bien diverti de votre sottise, pauvre innocente. » La princesse qui vous a donné ce bracelet et à qui M. Dubuc vous a mené sous les arbres de la place royale, c'est la plus folle et la plus étourdie des libertines, Mademoiselle Delorme. Le nom de cette célèbre courtisane était connu même des paysans de Saint-Mandé. À cette découverte, la bavelette demeura comme anéantie. Le personnage de Marion Delorme, substitué dans son esprit à une créature angélique, y mit une confusion épouvantable. Si, dans ce moment, on eût dit à Claudine qu'elle avait pris quelques filous pour le prince de Condé, elle l'aurait cru volontiers. Le résultat de ses réflexions fut aussi prompt que déterminé. Ne comptant plus que sur elle-même, elle appela toute son énergie pour lutter contre les méchants, et son cœur s'ouvrant, comme le temple de Janus au signal de la guerre, les sentiments amers y pénétrèrent, ayant à leur tête la défiance, le mépris et l'orgueil offensé. Ses larmes s'arrêtèrent. Elle se leva, et quittant les attitudes mélancoliques, elle mangea le repas qu'on lui servit. Pour la première fois, elle employait la ruse, en laissant croire à la vieille balafrée qu'elle se rendait à ses avis. Cette feinte résignation lui servit à connaître les intentions de l'ennemi. Elle apprit que M. Debuc, empêché par ses devoirs militaires, avait remis au soir l'accomplissement de ses projets. C'est pourquoi elle résolut de s'évader avant la fin du jour, à quelque prix que ce fût. L'œil aux aguets et l'oreille attentive, elle étudia les localités et les bruits du dehors, afin d'en tirer les inductions qui lui pouvaient être utiles. Des voix d'hommes qu'elle entendit lui donnèrent à penser qu'un barbier ou un étuviste habitait l'étage inférieur. Une enseigne qu'elle reconnut par la fenêtre la confirma dans cette idée. Les boutiques de ces gens-là étaient alors des tripots. Le lieu avait été merveilleusement choisi pour y commettre un acte de violence avec impunité. Mais aussi le grand concours de monde offrait quelque espoir d'y trouver du secours. Sur la table à manger était un méchant couteau mal aiguisé, mais capable encore de faire une blessure. Claudine s'en empara. Elle prit un continent en partie extrême et se jetant sur la vieille qui ne songeait à rien. « Vous êtes morte, lui dit-elle, si vous ne me laissez sortir d'ici. »« Sainte Vierge !» répondit la balafrée. « Vous voulez rire sans doute. Ne jouons pas avec les couteaux, ma mignonne. Comment pourrais-je vous laisser sortir? Nous sommes enfermés. » « Vous mentez, reprit Claudine. Vous avez les clés. Ouvrez cette porte ou je vous tue. » « Sur le corps du divin sauveur ? » s'écria la balafrée. « Je vous jure que je n'ai point les clés. »« Eh bien, vous allez mourir, » dit Claudine. Dans les yeux de la bavolette brillait une lueur où perçait l'exaltation de son âme. « Un moment, » dit la vieille, « que votre volonté soit faite, mais c'est grand dommage. » Elle tira une clé de sa poche et se dirigea vers la porte, suivie de Claudine, l'arme haute. La serrure s'ouvrit, la porte tourna sur ses gonds, et la bavolette, franchissant les degrés de bois, se trouva dans la boutique du barbier. La compagnie qui menait un bruit d'enfer se tut subitement à l'apparition d'une dame. Les cornets de dés restèrent en l'air, et le cavalier sur la sellette écarta le bras qui peignait ses cheveux pour regarder cette personne intrépide qui bravait les regards des curieux. Aussitôt, le barbier se jeta devant la porte. « On ne passe point, mademoiselle, dit-il. Vous êtes sous ma garde. Je réponds de vous. Et d'ailleurs, je ne sais qui vous êtes. Vous pourriez emporter de chez moi quelque objet. » « En effet, répondit Claudine, j'emporte ce couteau. Que je vais te tendre en te le plongeant dans la gorge. Je t'apprendrai à quoi l'on s'expose en prêtant sa maison à des ravisseurs. J'ai vu quelque part cette belle irritée, dit un jeune homme contrefait, mais vêtu fort richement. Monsieur de Bouteville, reprit Claudine, vous ici, dans ce lieu infâme, et de moitié peut-être dans le complot contre mon honneur? Non, mademoiselle, répondit Bouteville, j'ignorais que vous fussiez ici, et je vous prêterai main forte pour en sortir, si l'on vous y retient malgré vous. Ah, monsieur, poursuivit Claudine, que les temps sont changés depuis le jour où je m'assis à table auprès de vous. Votre mère et votre aimable sœur m'avaient enseigné à chérir la vertu. D'autres ont pris soin de me faire détester en eux le vice et la perfidie. Adieu, monsieur. Nous nous reverrons, j'espère, en meilleure compagnie. » Et se tournant vers le barbier avec un geste de mépris, « Misérable, lui dit-elle, ôte-toi de mon chemin. »